IR, PME, obligations déclaratives. La loi de finances rectificative pour 2015 a pérennisé la réduction d'impôt Madelin IR, PME et l'a alignée sur le dispositif ISF, PME afin de mettre celui-ci en conformité avec le droit de l'Union européenne, et il en est de même pour les réductions d'impôt pour souscription de parts de FCPI et de FIP. Rappelons que désormais, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause en cas de cession intervenant dans les 2 ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d'actionnaires. Pas de remise en cause non plus si la cession intervient plus de 2 ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession. Un décret récent a modifié en conséquence les obligations déclaratives et d'information à respecter par les contribuables et les sociétés concernées.